Mathias Sandorff de Jules Verne. 4e partie. Chapitre 1. Le préside de Ceuta. Le 21 septembre, trois semaines après les derniers événements dont la province de Catane venait d'être le théâtre, un rapide steam yacht, c'était le Ferrato, naviguait par une jolie brise de nord-est entre la pointe d'Europe qui est anglaise sur la terre d'Espagne et la pointe de l'Almina qui est espagnole sur la terre marocaine. Les 4 lieues de distance que l'on compte d'une pointe à l'autre, s'il faut en croire la mythologie, ce serait Hercule, un prédécesseur de Monsieur de Lesseps, qui les aurait ouvertes au courant de l'Atlantique en brisant d'un coup de massue cette portion du périple méditerranéen. Voilà ce que Pointe Pescade n'eut pas oublié d'apprendre à son ami Cap Matifou, en lui montrant dans le nord le rocher de Gibraltar, dans le sud le mont Hacho. En effet, Calpe et Abila sont précisément les 2 colonnes qui portent encore le nom de son illustre ancêtre. Sans doute Cap Matifou aurait apprécié comme il le méritait ce tour de force, sans que l'envie eût mordu son âme simple et modeste. L'Hercule provençal se fût incliné devant le fils de Jupiter et d'Alcmène. Mais Cap Matifou ne se trouvait pas parmi les passagers du steam yacht. Pointe Pescade non plus. L'un soignant l'autre, tous deux étaient restés à Antequerta. Si plus tard leur concours devenait nécessaire, ils seraient mandés par dépêche et amenés rapidement sur un des électriques de l'île. Le docteur et Pierre Bathory étaient seuls à bord du Ferrato, commandés en premier par le capitaine Kestrick, en second par Luigi. La dernière expédition, faite en Sicile dans le but de retrouver les traces de Sarcani et de Silas Torontal, n'avait pu donner aucun résultat, puisqu'elle s'était terminée par la mort de Ziron. Il s'agissait donc de reprendre la piste en obligeant Carpena à dire ce qu'il devait savoir de Sarcani et de son complice. Or, comme l'Espagnol, condamné aux galères, avait été envoyé au préside de Ceuta, c'était là qu'il fallait le rejoindre, là seulement que l'on pourrait se mettre en rapport avec lui. Ceuta est une petite ville forte, une sorte de Gibraltar espagnol, établi sur les pentes orientales du mont Hacho, et c'est en vue de son port que le steam yacht manœuvrait ce jour-là, vers 9h du matin, à moins de 3 milles du littoral. Rien de plus animé que ce détroit célèbre, qui est comme la bouche même de la Méditerranée. C'est par là qu'elle s'abreuve des eaux de l'océan Atlantique. C'est par là qu'elle reçoit ses milliers de navires venus de l'Europe septentrionale et des 2 Amériques, dont s'emplissent les centaines de ports de son immense périmètre. C'est par là qu'entrent ou sortent ces puissants paquebots, ces navires de guerre auxquels le génie d'un Français a ouvert une porte sur l'océan Indien et sur les mers du Sud. Rien de plus pittoresque que cet étroit canal encadré dans ces montagnes si diverses d'aspect. Au nord se profilent les sierras de l'Andalousie, au sud, sur cette côte admirablement accidentée, depuis le cap Spartel jusqu'à la pointe d'Almina, s'étagent les noires cimes des Bulones, le mont des Singes, les sommités des Septaines Fratres. À droite et à gauche apparaissent de pittoresques villes, blotties dans le fond des anses, assises au flanc des premières rampes, étendues sur les basses grèves que dominent de gigantesques arrière-plans. Tarifa, Algésira, Tanger, Ceuta. Puis, entre les 2 rives, devant l'étrave rapide des steamers, que n'arrête ni la mer ni le vent, sous la guibre de ces voiliers que les brises de l'ouest retiennent quelquefois par centaines à l'embouchure de l'Atlantique, se développe une surface d'eau mobile, changeante, ici grise et déferlante, là bleue et calme, striée de petites crêtes qui marquent la ligne des contre-courants avec leurs zigzags dentelés. Nul ne pourrait être insensible au charme de ces beautés sublimes que 2 continents, l'Europe et l'Afrique, mettent face à face sur ce double panorama du détroit de Gibraltar. Cependant, le ferrato s'approchait rapidement de la terre africaine. La baie rentrante, au fond de laquelle Tanger se cache, commençait à se fermer, tandis que le rocher de Ceuta devenait d'autant plus visible que la côte, au-delà, fait un crochet vers le sud. On le voyait s'isoler peu à peu comme un gros îlot, émergeant au pied d'un cap retenu par les trois isthmes qui le rattachent au continent. Au-dessus, vers la cime du mont Hacho, apparut un fortin construit sur l'emplacement d'une citadelle romaine dans lequel veillent incessamment les vigies chargées d'observer le détroit et surtout le territoire marocain dont Ceuta n'est qu'une enclave. Ce sont à peu près ces mêmes dispositions orographiques que présente la petite principauté monégasque sur le territoire français. À 10 heures du matin, le ferrato laissa tomber l'ancre dans le port, ou plutôt à 2 encablures du quai de débarquement que battent de plein fouet les lames du large. Il n'y a là qu'une rade foraine exposée au ressac de la houle méditerranéenne. Très heureusement, lorsque les navires ne peuvent mouiller dans l'ouest de Ceuta, ils trouvent un second mouillage de l'autre côté du rocher, ce qui les met à l'abri des vents d'amont. Lorsque la santé fut venue à bord, quand la patente eut été visée en franchise nette, vers 1 heure de l'après-midi, le docteur, accompagné de Pierre, se fit mettre à terre et débarqua sur un petit quai au pied des murailles de la ville. Qu'il eût le ferme dessein de s'emparer de Carpena, nul doute à cet égard. Mais comment s'y prendrait-il? C'est ce qu'il ne déciderait qu'après inspection des lieux et suivant les circonstances, soit en faisant enlever l'Espagnol par force, soit même en facilitant son évasion du préside de Ceuta. Cette fois, le docteur ne chercha point à garder l'incognito. Au contraire, déjà les agents venus à bord avaient répandu le bruit de l'arrivée d'un si fameux personnage. Qui ne connaissait de réputation dans tout ce pays arabe, depuis Suez jusqu'au Cap Spartel, le savant Taleb, maintenant retiré dans son île d'Antequerta, au fond de la mer des Sirtes? Aussi les Espagnols, comme les Marocains, lui firent-ils grand accueil. D'ailleurs, il ne fut point interdit de visiter le ferrato, et de nombreuses embarcations ne tardèrent pas à l'accoster. Tout ce bruit entrait évidemment dans le plan du docteur. Sa célébrité devait venir en aide à ses projets. Pierre et lui ne cherchèrent donc point à se soustraire à l'empressement du public. Une calèche découverte, prise au principal hôtel de Ceuta, leur fit d'abord visiter la ville. Ses rues étroites, bordées de tristes maisons sans cachet ni couleur, çà et là de petites places avec des arbres amaigris et poussiéreux, abritant quelques méchantes guinguettes, un ou deux édifices civils ayant l'aspect de caserne, rien d'original en un mot, si ce n'est peut-être le quartier mauresque où la couleur n'est pas absolument éteinte. Vers 3 heures, le docteur donna l'ordre de le conduire chez le gouverneur de Ceuta, auquel il voulait rendre visite, acte de courtoisie tout naturel de la part d'un étranger de distinction. Il va sans dire que ce gouverneur ne peut être un fonctionnaire civil. Ceuta est avant tout une colonie militaire. On y compte environ 10 000 âmes, officiers et soldats, négociants, pêcheurs ou marins au cabotage, répartis tant dans la ville que sur la bande de terrain dont le prolongement vers l'est complète le domaine espagnol. Ceuta était alors administré par le colonel Guyard. Cet officier supérieur avait sous ses ordres 3 bataillons d'infanterie détachés de l'armée continentale qui viennent faire leur temps d'Afrique, un régiment de discipline régulièrement fixé dans la petite colonie, 2 batteries d'artillerie, 1 compagnie de pontonniers, plus 1 compagnie de morts dont les familles habitent un quartier spécial. Quant aux condamnés, leur nombre s'élève à peu près à 2 000. Pour se rendre de la ville à la résidence du gouverneur, la voiture dut suivre, en dehors de l'enceinte, une route macadamisée qui dessert l'enclave jusqu'à son extrémité vers l'est. De chaque côté de la route, l'étroite bande, comprise entre le pied des montagnes et les relais de la mer, est bien cultivée grâce au travail assidu des habitants qui ont laborieusement lutté contre les mauvaises qualités du sol. Les légumes de toutes sortes, ni les arbres à fruits, n'y manquent. Mais il faut dire aussi que les bras ne font point défaut. En effet, les déportés ne sont pas seulement employés par l'État, soit dans les ateliers spéciaux, soit aux fortifications, soit aux routes dont l'entretien exige des soins continus, soit même à la police urbaine lorsque leur bonne conduite permet d'en faire des agents qui surveillent et sont surveillés à la fois. Ces individus, envoyés au préside de ce tas pour des peines qui vont de 20 ans à la perpétuité, les particuliers peuvent les occuper dans certaines conditions déterminées par le gouvernement. Pendant sa visite à ce tas, le docteur en avait rencontré quelques-uns, allant librement dans les rues de la ville, et précisément de ceux qui servaient aux travaux domestiques. Mais il en devait voir un plus grand nombre en dehors de l'enceinte fortifiée, sur les chemins et dans la campagne. À quelle catégorie de ce personnel du préside appartenait Carpena? Avant tout, il importait de le savoir. En effet, le plan du docteur pouvait être modifié, suivant que l'Espagnol, enfermé ou libre, travaillerait chez des particuliers ou pour le compte de l'État. « Mais, dit-il à Pierre, comme sa condamnation est récente, il est probable qu'il ne jouit pas encore des avantages accordés aux condamnés plus anciens pour leur bonne conduite. » « Et s'il est enfermé ? » demanda Pierre. « Son enlèvement sera plus difficile, répondit le docteur, mais il faut qu'il se fasse, et il se fera. » Cependant, la voiture roulait doucement sur la route, au petit pas des chevaux. À 200 mètres en dehors des fortifications, un certain nombre de déportés, sous la surveillance des agents du préside, travaillaient à l'empierrement de la route. Il y en avait là une cinquantaine, les uns cassant des cailloux, les autres les répandant sur la chaussée ou les écrasant au moyen de rouleaux compresseurs. Aussi la voiture avait-elle dû suivre cette partie latérale du chemin où la réfection ne se faisait pas encore. Soudain le docteur saisit le bras de Pierre Bathory. « Lui, dit-il à voix basse. Un homme se tenait là, à 20 pas de ses compagnons, appuyé sur le manche de sa pioche. C'était Carpena. Le docteur, après 15 ans, venait de reconnaître le paludier de l'Istrie sous son habit de condamné, comme Maria Ferrato l'avait reconnu sous son habit maltais dans les ruelles du Monderaggio. Ce criminel, aussi fainéant qu'impropre à tout métier, n'aurait pas même pu être employé dans les ateliers du préside. Casser des pierres sur une route, il n'était bon qu'à cette rude besogne. Mais si le docteur l'avait reconnu, Carpena ne pouvait reconnaître en lui le comte Mathias Sandorf. À peine l'avait-il entrevu dans la maison du pêcheur Andrea Ferrato au moment où il y amenait les agents de la police. Cependant, comme tout le monde, il venait d'apprendre l'arrivée du docteur Antekirt à Ceuta. Or, ce docteur si renommé, Carpena ne l'ignorait pas, c'était le personnage dont lui avait parlé Zirone pendant leur entretien près des grottes de Polyphème sur la côte de Sicile. C'était l'homme dont Sarcani recommandait avant tout de se défier. C'était le millionnaire à propos duquel la bande de Zirone avait tenté cet inutile coup de main de la Casa Inglese. Que se passa-t-il dans l'esprit de Carpena lorsqu'il se trouva inopinément en présence du docteur? Quelle fut l'impression dont son cerveau fut saisi avec cette instantanéité qui caractérise certains procédés photographiques? Cela serait assez difficile à dire, mais en réalité, ce que l'Espagnol sentit soudain, c'est que le docteur s'emparait de lui tout entier par une sorte d'ascendant moral, que sa personnalité s'annihilait devant la sienne, qu'une volonté étrangère, plus forte que sa propre volonté, l'envahissait. En vain voulut-il résister, il ne put que céder à cette domination. Cependant, le docteur, ayant fait arrêter sa voiture, continuait à le regarder avec une fixité pénétrante. Le point brillant de ses yeux produisait sur le cerveau de Carpena un étrange et irrésistible effet. Les sens de l'Espagnol s'éteignirent peu à peu par obtusion. Ses paupières clignotèrent, se fermèrent, ne conservant plus qu'une vibration frémissante. Puis, dès que l'anesthésie fut complète, il tomba sur le bord de la route sans que ses compagnons se fussent aperçus de rien. D'ailleurs, il était endormi d'un sommeil magnétique dont aucun d'eux n'eût pu le tirer. Alors le docteur donna l'ordre de se remettre en route pour la résidence du gouverneur. Cette scène ne l'avait pas retenu plus d'une demi-minute. Personne n'avait pu remarquer ce qui venait de se passer entre l'Espagnol et lui. Personne, si ce n'est Pierre Bathory. « Maintenant cet homme est à moi, lui dit le docteur, et je puis le contraindre. À nous apprendre tout ce qu'il sait ? Demanda Pierre. Non, mais à faire tout ce que je voudrais qu'il fasse, et cela inconsciemment. Au premier regard que j'ai d'abord jeté sur ce misérable, j'ai senti que je pourrais devenir son maître, substituer ma volonté à la sienne. Cet homme pourtant n'est point un malade ? Et crois-tu donc que ces effets de l'hypnose ne se produisent que chez les névropathes ? Non, Pierre, les plus réfractaires sont encore les aliénés. Il faut au contraire que le sujet ait une volonté, et j'ai été servi par les circonstances en trouvant dans ce Carpena une nature toute disposée à subir mon influence. Aussi va-t-il rester endormi tant que je n'interviendrai pas pour faire cesser son sommeil. Soit, répondit Pierre, mais à quoi bon, puisque même en l'état où il se trouve maintenant, il est impossible de le faire parler de ce que nous avons intérêt à savoir. Sans doute, répondit le docteur, et il est bien évident que je ne peux lui faire dire une chose que j'ignore moi-même. Mais ce qui est en mon pouvoir, c'est de l'obliger à faire, et quand cela me conviendra, ce que je voudrais qu'il fasse, sans que sa volonté puisse s'y opposer. Par exemple, demain, après-demain, dans 8 jours, dans 6 mois même, lorsqu'il sera en état de veille, si je veux qu'il quitte le préside, il le quittera. « Quitter le préside ? » répliqua Pierre. « En sortir librement ? Encore faudrait-il que ses gardiens le lui permissent ? L'influence de la suggestion ne peut aller jusqu'à lui faire rompre sa chaîne, ni briser la porte du bagne, ni franchir un mur infranchissable. « Non, Pierre, répondit le docteur, je ne puis l'obliger à faire ce que je pourrais faire moi-même. Aussi ai-je hâte d'aller rendre visite au gouverneur de Ceuta. » Le docteur Antekirt n'exagérait en rien. Ses faits de suggestion dans l'état hypnotique sont maintenant reconnus. Les travaux, les observations de Charcot, de Brown-Séquard, d'Azam, de Richet, de Dumont-Palier, de Maudsley, de Bernheim, de Hacktuck, de Rigueur, de tant d'autres savants, ne peuvent plus laisser aucun doute à leur égard. Pendant ses voyages en Orient, le docteur avait pu en étudier des plus curieux et apporter à cette branche de la physiologie un riche contingent d'observations nouvelles. Il était donc très au courant de ces phénomènes et des résultats qu'on peut en tirer. Doué lui-même d'une grande puissance suggestive, qu'il avait souvent exercée en Asie mineure, c'était sur cette puissance qu'il comptait pour s'emparer de Carpena, puisque le hasard avait fait que l'Espagnol ne fût pas réfractaire à cette influence. Mais si le docteur était désormais maître de Carpena, s'il pouvait le faire agir comme et quand il le voudrait, en lui suggérant sa propre volonté, encore fallait-il que le prisonnier eût la liberté de ses mouvements lorsque le moment serait venu de lui faire accomplir tel ou tel acte. Pour cela, l'autorisation du gouverneur était nécessaire. Or, cette autorisation, le docteur espérait bien l'obtenir du colonel Guyard, de manière à rendre possible l'évasion de l'Espagnol. 10 minutes plus tard, la voiture arrivait à l'entrée des grandes casernes qui s'élèvent presque à la limite de l'enclave, et elle s'arrêtait devant la résidence du gouverneur. Le colonel Guyard avait déjà été informé de la présence du docteur Antekirt à Ceuta. Ce personnage célèbre, grâce à la réputation que lui faisaient ses talents et sa fortune, était comme une sorte de souverain en voyage. Aussi, après qu'il eut été introduit dans le salon de la résidence, le gouverneur lui fit-il beaucoup d'accueil, ainsi qu'à son jeune compagnon, Pierre Bathory. Et tout d'abord, il voulut se mettre à leur entière disposition pour visiter l'enclave, ce petit morceau de l'Espagne si heureusement découpé dans le territoire marocain. « Nous acceptons volontiers, monsieur le gouverneur, » répondit le docteur en espagnol, langue que Pierre comprenait et parlait couramment comme lui. « Mais je ne sais trop si nous aurons le temps de mettre à profit votre obligeance. » « Oh, la colonie n'est pas grande, docteur Antekirt, » répondit le gouverneur. « En une demi-journée, on en a fait le tour. Et d'ailleurs, ne comptez-vous pas y séjourner quelque temps ?»« 4 ou 5 heures à peine, » dit le docteur. « Je dois repartir ce soir même pour Gibraltar, où je suis attendu demain dans la matinée. »« Repartir ce soir même ?» s'écria le gouverneur. « Permettez-moi d'insister. Je vous assure, docteur Antekirt, que notre colonie militaire est digne d'être étudiée à fond. Sans doute, vous avez beaucoup vu, beaucoup observé pendant vos voyages. Mais ne fût-ce qu'au point de vue de son système pénitentiaire, je vous assure que ce tas mérite d'attirer l'attention des savants, comme celle des économistes. Naturellement, le gouverneur n'était pas sans mettre quelque amour-propre à vanter sa colonie. Il n'exagérait rien, cependant, et le système administratif du préside de Ceuta, identique à celui des présides de Séville, est considéré comme l'un des meilleurs de l'ancien et du nouveau monde, aussi bien en ce qui touche l'état matériel des déportés que leur amélioration morale. Le gouverneur insista donc pour qu'un homme aussi éminent que le docteur Antekirt voulût bien retarder son départ, afin d'honorer de sa visite les divers services du pénitencier. « Cela me serait impossible, monsieur le gouverneur, mais aujourd'hui je vous appartiens, et si vous le voulez... » « Il est déjà 4 heures, reprit le colonel Guyard, et vous le voyez, il nous reste bien peu de temps. »« En effet, répondit le docteur, et j'en suis d'autant plus contrarié que si vous tenez à me faire les honneurs de votre colonie, j'aurais voulu vous faire les honneurs de mon yacht. »« Ne pourriez-vous pas, docteur Antekirt, remettre d'un jour votre départ pour Gibraltar ?»« Je le ferai certainement, monsieur le gouverneur, si un rendez-vous convenu pour demain, je vous le répète, ne m'obligeait à prendre la mer ce soir même. Voilà qui est véritablement regrettable, répondit le gouverneur, et je ne me consolerai jamais de n'avoir pu vous retenir plus longtemps. Mais prenez garde, je tiens votre bâtiment sous le canon de mes forts, et il ne dépend que de moi de le couler sur place. Et les représailles, monsieur le gouverneur, répondit en riant le docteur, voudriez-vous donc vous mettre en guerre avec le puissant royaume d'Antekirta? « Je sais que ce serait risque et gros jeu, » répondit le gouverneur sur le même ton de plaisanterie. « Mais que ne risquerait-on pas pour vous garder 24 heures de plus ?» Sans avoir pris part à cette conversation, Pierre se demandait si le docteur avait ou non cheminé vers le but qu'il voulait atteindre. Cette résolution de quitter ce tas le soir même ne laissait pas de l'étonner quelque peu. Comment, en un si court laps de temps, parviendrait-on à combiner les mesures indispensables pour amener l'évasion de Carpena? Avant quelques heures, les condamnés seraient rentrés au préside et enfermés pour la nuit. Dans ces conditions, obtenir que l'Espagnol eût la possibilité d'en sortir, cela ne laissait pas d'être fort problématique. Mais Pierre comprit que le docteur suivait un plan nettement arrêté quand il lui entendit répondre. « Vraiment, monsieur le gouverneur, je suis désespéré de ne pouvoir vous accorder satisfaction à ce sujet, aujourd'hui du moins. Cependant, peut-être serait-il possible de tout arranger? Parlez, docteur Antekirt, parlez. Puisque je dois être demain matin à Gibraltar, il est nécessaire que je parte ce soir, mais j'estime que mon séjour sur ce roc anglais ne doit pas durer plus de 2 à 3 jours. Or, c'est aujourd'hui jeudi, et au lieu de continuer mon voyage au nord de la Méditerranée, rien ne me sera plus facile que de repasser dimanche matin par Ceuta. Rien de plus facile, en effet, répondit le gouverneur, et aussi rien de plus obligeant pour moi. J'y mets quelque amour propre, sans doute. Et qui n'a pas sa pointe de vanité en ce monde? Ainsi c'est convenu, docteur Antekirt, à dimanche. Oui, mais à une condition. Quelle qu'elle soit, je l'accepte. C'est que vous voudrez bien venir déjeuner avec votre aide de camp à bord du ferrato. « Je m'y engage, docteur Antekirt, je m'y engage, mais à une condition aussi. »« Comme vous, monsieur le gouverneur, quelle qu'elle soit, je l'accepte d'avance. »« C'est que monsieur Bathory et vous, répondit le gouverneur, vous accepterez de venir dîner à la résidence. »« Voilà qui est entendu, dit le docteur, de sorte qu'entre le déjeuner et le dîner, j'abuserai de mon autorité pour vous faire admirer toutes les splendeurs de mon royaume, répondit le colonel Guyard, en serrant la main du docteur. Pierre Bathory avait également accepté l'invitation qui venait de lui être faite, en s'inclinant devant le très obligeant et le très satisfait gouverneur de Ceuta. Le docteur se prépara alors à prendre congé, et Pierre pouvait déjà lire dans ses yeux qu'il était arrivé à ses fins. Mais le gouverneur voulut accompagner ses futurs hôtes jusqu'à la ville. Tous trois prirent donc place dans la voiture et suivirent l'unique route qui met la résidence en communication avec Ceuta. Si le gouverneur profita de l'occasion pour faire admirer les beautés plus ou moins contestables de la petite colonie, s'il parla des améliorations qu'il se proposait d'y introduire au point de vue militaire et civil, s'il ajouta que cette situation de l'ancienne Abila valait au moins celle de Calpe de l'autre côté du détroit, s'il affirma qu'il serait possible d'en faire un véritable Gibraltar, aussi imprenable que son pendant britannique, s'il protesta contre ces insolentes paroles de M. Ford, que ce tas devait appartenir à l'Angleterre parce que l'Espagne n'en sait rien faire et sait à peine la garder, enfin s'il se montra très irrité contre ces tenaces Anglais qui ne peuvent mettre un pied quelque part sans que ce pied prenne aussitôt racine, cela ne saurait étonner de la part d'un Espagnol. « Oui, s'écria-t-il, avant de songer à s'emparer de ce tas, qu'il songe donc à garder Gibraltar. Il y a là une montagne que l'Espagne pourrait bien un jour leur secouer sur la tête. » Le docteur, sans demander comment les Espagnols pourraient provoquer une telle commotion géologique, ne voulut point contester cette assertion, lancée avec toute l'exaltation d'un hidalgo. D'ailleurs, la conversation fut interrompue par un arrêt subit de la voiture. Le cocher avait dû retenir ses chevaux devant un rassemblement d'une cinquantaine de déportés qui barraient alors la route. Le gouverneur fit signe à un des brigadiers de venir lui parler. Cet agent s'avança aussitôt vers la voiture en marchant d'un pas réglementaire. Puis, les deux pieds joints, la main à la visière de sa casquette, il attendit militairement. Tous les autres, prisonniers et gardiens, s'étaient rangés de chaque côté de la route. « Qu'y a-t-il ? » demanda le gouverneur. « Excellence, répondit le brigadier, c'est un condamné que nous avons trouvé couché sur le talus. Il paraît n'être qu'endormi, et pourtant on ne peut pas parvenir à le réveiller. Depuis combien de temps est-il dans cet état ? Depuis une heure environ. Et il dort toujours ? Toujours, Excellence. Il est aussi insensible que s'il était mort. On l'a remué, on l'a piqué, on lui a même tiré un coup de pistolet à l'oreille. Il ne sent rien, il n'entend rien. Pourquoi n'est-on pas allé chercher le médecin du préside ? Demanda le gouverneur. Je l'ai envoyé chercher, Excellence. Mais il était sorti, et en attendant qu'il vienne, nous ne savons que faire de cet homme. Eh bien, qu'on le porte à l'hôpital. Le brigadier allait faire exécuter cet ordre, quand le docteur, intervenant, « Monsieur le gouverneur, dit-il, voulez-vous me permettre, en ma qualité de médecin, d'examiner ce dormeur récalcitrant ? Je ne serais pas fâché de le voir de plus près. » « Eh, au fait, c'est bien votre affaire, répondit le gouverneur. Un drôle qui va être soigné par le docteur Antekirt. En vérité, il n'aura pas à se plaindre. » Tous trois descendirent de la voiture et le docteur s'approcha du condamné qui était couché sur le talus de la route. Chez cet homme profondément endormi, la vie ne se manifestait plus que par une respiration un peu haletante et la fréquence du pouls. Le docteur fit signe que l'on s'écarta de lui. Puis, se penchant sur ce corps inerte, il lui parla à voix basse et le regarda longuement, comme s'il eût voulu faire pénétrer dans son cerveau une de ses volontés. Se relevant alors, « Ce n'est rien, dit-il, cet homme est tout simplement tombé dans un accès de sommeil magnétique. »« Vraiment ? » dit le gouverneur, « voilà qui est fort curieux, et vous pouvez le tirer de ce sommeil ?»« Rien n'est plus facile, répondit le docteur, et après avoir touché le front de Carpena, il lui souleva légèrement les paupières en disant « Réveillez-vous, je le veux. » Carpena s'agita, ouvrit les yeux, tout en continuant de rester dans un certain état de somnolence. Le docteur lui passa plusieurs fois et transversalement sa main devant la figure, afin d'agiter la couche d'air, et peu à peu son engourdissement se dissipa. Aussitôt il se releva, puis, sans avoir aucunement conscience de ce qui s'était passé, il alla se replacer au milieu de ses compagnons. Le gouverneur, le docteur et Pierre Bathory remontèrent dans la voiture qui reprit sa marche vers la ville. « En somme, demanda le gouverneur, est-ce que ce drôle n'avait pas un peu bu ?»« Je ne crois pas, répondit le docteur, il n'y avait là qu'un simple effet de somnambulisme. »« Mais comment s'était-il produit ?»« À cela je ne peux répondre, monsieur le gouverneur, peut-être cet homme est-il sujet à de tels accès ?» Mais maintenant le voilà sur pied et il n'y paraîtra plus. Bientôt la voiture arriva à l'enceinte des fortifications, entra dans la ville, la traversa obliquement et vint s'arrêter sur la petite place qui domine les quais d'embarquement. Le docteur et le gouverneur prirent alors congé l'un de l'autre avec beaucoup de cordialité. « Voilà le ferrato, dit le docteur en montrant le steam yacht que la houle balançait gracieusement au large. « Vous n'oublierez pas, monsieur le gouverneur, que vous avez bien voulu accepter de déjeuner à mon bord dimanche matin. Pas plus que vous n'oublierez, docteur Antekirt, que vous devez dîner à la résidence dimanche soir. Je n'aurai garde d'y manquer. » Tous deux se séparèrent et le gouverneur ne quitta pas le quai qu'il n'eût vu s'éloigner la baleinière. Et quand ils furent de retour, le docteur dit à Pierre, qui lui demandait si tout s'était passé comme il le désirait, « Oui, dimanche soir, avec la permission du gouverneur de Ceuta, Carpena sera à bord du ferrato. » À 8 heures, le steam-yacht quitta son mouillage, prit la direction du nord, et le mont Acho, qui domine cette portion de la côte marocaine, eut bientôt disparu dans les bruines de la nuit. Chapitre 2. Une expérience du docteur. Le passager, auquel on n'a rien dit de la destination du navire qui le porte, ne peut deviner sur quel point du globe il met le pied lorsqu'il débarque à Gibraltar. Tout d'abord, c'est un quai, coupé de petites darses pour l'accostage des embarcations. Puis le bastion d'un mur d'enceinte, percé d'une porte sans caractère. Ensuite, une place irrégulière, bordée de hautes casernes qui s'étagent sur la colline. Et enfin, l'amorce d'une longue rue, étroite et sinueuse, qui a nom Main Street. Au débouché de cette rue, dont le macadam reste humide par tous les temps, au milieu des portefaix, des contrebandiers, des cireurs de bottes, des vendeurs de cigares et d'allumettes, entre les baquets, les fardiers, les charrettes de légumes et de fruits, vont et viennent dans un pêle-mêle cosmopolite des Maltais, des Marocains, des Espagnols, des Italiens, des Arabes, des Français, des Portugais, des Allemands, un peu de tout, enfin, et même des citoyens du Royaume-Uni qui sont plus spécialement représentés par les fantassins à veste rouge et artilleurs à veste bleuâtre, coiffés de ce tourteau de mitron, lequel ne tient sur l'oreille que par un miracle d'équilibre. On est pourtant à Gibraltar, et cette Main Street dessert toute la ville, depuis la porte de mer jusqu'à la porte d'Alameda. De là, elle se prolonge vers la pointe d'Europe, à travers les villas multicolores et les squares verdoyants, sous l'ombrage de grands arbres, au milieu des parterres de fleurs, des parcs de boulets, des batteries de canons de tout modèle, des massifs de plantes de toutes les zones, sur une longueur de 4300 mètres. C'est à peu près celle du rocher de Gibraltar, sorte de dromadaire sans tête, accroupi sur les sables de San Roque et dont la queue traîne dans la mer méditerranéenne. Cet énorme rocher s'élève de 425 mètres à pic du côté du continent qu'il menace de ses canons, les dents de la vieille, disent les Espagnols. Plus de 700 pièces d'artillerie dont les gueules s'allongent à travers les innombrables embrasures des casemates. 20 000 habitants, 6 000 hommes de garnison sont groupés sur les premières assises de la montagne que baignent les eaux du golfe, sans compter les quadrumanes, ces fameux monos, singes sans queue, ces descendants des plus anciennes familles de l'endroit, en réalité les véritables propriétaires du sol, qui occupent encore les hauteurs de l'antique Calpée. Du sommet de ce mont, on domine le détroit, on observe tout le rivage marocain, on découvre la Méditerranée d'un côté, l'Atlantique de l'autre, et les longues vues anglaises ont un horizon de 200 kilomètres qu'il est aisé de fouiller jusque dans ses moindres réduits, et qu'elle fouille. Si par une heureuse circonstance le ferrato fût arrivé 2 jours plus tôt sur la rade de Gibraltar, si, entre le lever et le coucher du soleil, le docteur Antekert et Pierre Bathory eussent débarqué sur le petit quai, franchi la porte de mer, suivi la Main Street, dépassé la porte d'Alameda pour gagner les beaux jardins qui s'élève jusqu'à mi-colline sur la gauche, peut-être les événements rapportés dans ce récit auraient-ils eu un cours plus rapide et sans doute très différent. En effet, le 19 septembre, dans l'après-midi, sur un de ces hauts bancs de bois qui meublent les squares anglais à l'abri des grands arbres, le dos tourné aux batteries rasantes de la rade, 2 personnes causaient, en prenant soin de ne point être entendues des promeneurs. c'était Sarkany et Namir. On ne l'a pas oublié, Sarkany devait rejoindre Namir en Sicile, au moment où fut faite cette expédition de la Casa Inglese qui se termina par la mort de Zirone. Prévenu à temps, Sarkany changea son plan de campagne, d'où il résulta que le docteur l'attendit vainement pendant les 8 jours qu'il passa au mouillage de Catane. De son côté, sur les ordres qu'elle reçut, Namir quitta immédiatement la Sicile afin de retourner à Tétuan, où elle résidait alors. Puis ce fut de Tétuan qu'elle revint à Gibraltar, où Sarkany venait de lui donner rendez-vous. Il y était arrivé la veille, il en comptait repartir le lendemain. Namir, cette sauvage compagne de Sarkany, lui était dévouée corps et âme. C'était elle qui l'avait élevée dans les douars de la Tripolitaine, comme si elle eût été sa mère. Elle ne l'avait jamais quitté, même alors qu'il exerçait le métier de courtier dans la Régence, où de secrètes accointances l'unissaient au redoutable sectaire du sénousisme, dont les projets menaçaient Antekerta, ainsi qu'il a été dit plus haut. Namir, de moitié dans ses pensées comme dans ses actes, lié à Sarkany par une sorte d'amour maternel, lui était plus attaché peut-être que ne l'avait jamais été Zirone, son compagnon de plaisir et de misère. Sur un signe de lui, elle eut commis un crime. Sur un signe, elle eût été à la mort sans hésiter. Sarkany pouvait donc avoir en Namir une confiance absolue, et s'il l'avait fait venir à Gibraltar, c'est qu'il voulait lui parler de Carpena, dont il avait maintenant tout à craindre. Cet entretien était le premier qu'ils eussent eu depuis l'arrivée de Sarkany à Gibraltar. Ce devait être le seul, et il se fit en langue arabe. Tout d'abord, Sarkany débuta par une question et reçut une réponse que tous deux regardaient sans doute comme des plus importantes, puisque leur avenir en dépendait. « Et ça va ?» demanda Sarkany. « Elle est en sûreté, à Tétuan, » répondit Namir. « Et à cet égard, tu peux être tranquille. »« Mais pendant ton absence ?»« Pendant mon absence, la maison est confiée à une vieille juive qui ne la quittera pas d'un instant. C'est comme une prison où personne ne pénètre et ne peut pénétrer. Ça va d'ailleurs, ne sait pas qu'elle est à Tétuan. Elle ne sait pas qui je suis. Elle ignore même qu'elle est en ton pouvoir. » « Tu lui parles toujours de ce mariage ?»« Oui, Sarkany, » répondit Namir. « Je ne la laisse pas se déshabituer de l'idée qu'elle doit être ta femme. Elle la sera. »« Il le faut, Namir, il le faut. D'autant plus que de la fortune de Torontal, il ne reste que peu de choses maintenant. En vérité, le jeu ne lui réussit guère à ce pauvre Silas. »« Tu n'auras pas besoin de lui, Sarkany, pour devenir plus riche que tu ne l'as jamais été. »« Je le sais, Namir. » Mais la date extrême à laquelle mon mariage avec Sava doit être fait approche. Or, il me faut un consentement volontaire de sa part. Et si elle refuse ? Je la forcerai bien à se soumettre, répondit Namir. Oui, je lui arracherai ce consentement. Tu peux t'en rapporter à moi, Sarkany. Et il eût été difficile d'imaginer une physionomie plus résolue, plus farouche que celle de la Marocaine, pendant qu'elle s'exprimait de la sorte. « Bien, Namir, » répondit Sarkany, « continue à faire bonne garde. Je ne tarderai pas à te rejoindre. »« Est-ce qu'il n'entre pas dans tes projets de nous faire bientôt quitter Tétuan ?» demanda la Marocaine. « Non, tant que je n'y serai pas forcée, puisque personne n'y connaît et n'y peut connaître Sava. Si les événements m'obligeaient à te faire partir, tu serais averti à temps. »« Et maintenant, Sarkany, » reprit Namir, « dis-moi pourquoi tu m'as fait venir à Gibraltar. » C'est parce que j'ai à te parler de certaines choses qu'il vaut mieux dire qu'écrire. Parle donc, Sarkany, et s'il s'agit d'un ordre, quel qu'il soit, je me charge de l'exécuter. Voici quelle est maintenant ma situation, répondit Sarkany. Madame Bathory a disparu et son fils est mort. De cette famille, je n'ai donc plus rien à craindre. Madame Torontal est morte et ça va être en mon pouvoir. De ce côté, je suis tranquille aussi. Des autres personnes qui nous connaissent ou ont connu mes secrets. L'une, Silas Torontal, mon complice, est sous ma domination absolue. L'autre, Zirone, a péri dans sa dernière expédition en Sicile. Ainsi, de tous ceux que je viens de nommer, aucun ne peut parler et aucun ne parlera. « Que crains-tu alors ? » demanda Namir. « Je crains uniquement l'intervention de deux individus, dont l'un sait une partie de mon passé et dont l'autre semble vouloir se mêler à mon présent plus qu'il ne me convient. « L'un est Carpena ?» demanda Namir. « Oui, répondit Sarkani. Et l'autre, c'est ce docteur Antekirt, dont les rapports avec la famille Bathory à Raguse m'avaient toujours paru très suspects. D'ailleurs, j'ai appris par Benito, l'hôtelier de Santa Grotta, que ce personnage, riche à millions, avait tendu un piège à Zirone par l'entremise d'un certain pescador à son service. Or, s'il l'a fait, c'était certainement pour s'emparer de sa personne, à défaut de la mienne, et lui arracher ses secrets. « Cela n'est que trop évident, répondit Namir. Plus que jamais, tu dois te défier de ce docteur Antekirt. Et autant que possible, il faudra toujours savoir ce qu'il fait, et surtout où il est. » « Chose difficile, Sarkani, répondit Namir, car ainsi que je l'ai entendu dire à Raguse, un jour il est à un bout de la Méditerranée et le lendemain, il est à l'autre. » « Oui, cet homme-là semble avoir le don d'ubiquité, s'écria Sarkani, mais il ne sera pas dit que je le laisserai se jeter à travers mon jeu sans y faire obstacle, et quand je devrais aller le chercher jusque dans son île Antekirta, je saurai bien. » « Le mariage fait, répondit Namir, tu n'auras plus rien à craindre de lui ni de personne. » « Sans doute, Namir, mais jusque-là... » « Jusque-là, nous serons sur nos gardes. D'ailleurs, nous aurons toujours un avantage. Ce sera de savoir où il est, sans qu'il puisse savoir où nous sommes. Parlons maintenant de Carpena, Sarkani. Qu'as-tu à redouter de cet homme ?»« Carpena sait quels ont été mes rapports avec Zirone. Depuis plusieurs années, il était mêlé à diverses expéditions dans lesquelles j'avais la main, et il peut parler. » « D'accord, mais Carpena est maintenant au préside de ce tas, condamné aux galères perpétuelles. » « C'est là ce qui m'inquiète, Namir. Oui, Carpena, pour améliorer sa situation, pour obtenir un adoucissement, peut faire des révélations. Si nous savons qu'il a été déporté à ce tas, d'autres le savent aussi, d'autres le connaissent personnellement, ne fût-ce que ce pescador qu'il a si habilement joué à Malte. Or, par cet homme, le docteur Antekirt doit avoir le moyen d'arriver jusqu'à lui. Il peut vouloir lui arracher ses secrets à prix d'or. Il peut même essayer de le faire évader du préside. En vérité, Namir, cela est tellement indiqué que je me demande pourquoi il ne l'a pas encore fait. » Sarkani, très intelligent, très perspicace, avait précisément deviné quels étaient les projets du docteur vis-à-vis de l'Espagnol. Il comprenait tout ce qu'il en devait craindre. Namir dut convenir que Carpena pouvait devenir très dangereux dans la situation où il se trouvait actuellement. « Pourquoi ?» s'écria Sarkani. « Pourquoi n'est-ce pas lui plutôt que Zirone qui est disparu là-bas ?»« Mais ce qui ne s'est pas fait en Sicile, répondit froidement Namir, ne peut-il se faire à ce tas ?» C'était la question nettement posée. Namir expliqua alors à Sarkani que rien ne lui était plus facile que de venir de Tétuan à ce tas, aussi souvent qu'elle le voudrait. Une vingtaine de milles au plus séparent ces deux villes. Tétuan se trouvant un peu en retour de la colonie pénitentiaire dans le sud de la côte marocaine. Or, puisque les condamnés travaillent sur les routes ou circulent dans la ville, il lui serait très aisé d'entrer en communication avec Carpena, qui la connaissait, et de lui laisser croire que Sarkani s'occupait de le faire évader, de lui remettre même un peu d'argent ou quelques suppléments au menu ordinaire du pénitencier. Et s'il arrivait qu'un morceau de pain, un fruit, fût empoisonné, qui s'inquiéterait de la mort de Carpena? Qui en rechercherait les causes? Un coquin de moins au préside, cela n'était pas pour inquiéter outre mesure le gouverneur de ce tas. Alors Sarkani n'aurait plus rien à redouter de l'Espagnol, ni des tentatives du docteur Antekirt, intéressé à connaître ses secrets. En somme, de cet entretien, il allait résulter ceci. Pendant que les uns s'occuperaient de préparer l'évasion de Carpena, les autres tenteraient de la rendre impossible, en l'envoyant prématurément dans ses présides de l'autre monde, d'où l'on ne peut plus s'enfuir. Tout étant convenu, Sarkani et Namir rentrèrent dans la ville et se séparèrent. Le soir même, Sarkani quittait l'Espagne pour rejoindre Silas Torontal, et le lendemain, Namir, après avoir traversé la baie de Gibraltar, allait s'embarquer à Algésiras sur le paquebot qui fait régulièrement le service entre l'Europe et l'Afrique. Or, précisément en sortant du port, ce paquebot croisa un yacht de plaisance qui se promenait sur la baie de Gibraltar avant d'aller prendre son mouillage dans les eaux anglaises. C'était le Ferrato. Namir, qui l'avait vu pendant sa relâche à Catan, le reconnut parfaitement. « Le docteur Antekir est ici ? » murmura-t-elle. « Sarkani a raison, il y a un danger. Et ce danger est proche. » Quelques heures après, la Marocaine débarquait à Ceuta. Mais avant de retourner à Tétuan, elle prenait ses mesures afin de se mettre en rapport avec l'Espagnol. Son plan était simple. Il devait réussir si le temps ne lui manquait pas pour l'exécuter. Mais une complication avait surgi, à laquelle Namir ne pouvait s'attendre. Carpena, à la suite de cette intervention du docteur lors de sa première visite à Ceuta, s'était donné comme malade, et si peu qu'il le fût, il avait obtenu d'entrer à l'hôpital du pénitencier pour quelques jours. Namir en fut donc réduite à rôder autour de l'hôpital sans pouvoir arriver jusqu'à lui. Toutefois, ce qui la rassurait, c'est que si elle ne pouvait voir Carpena, évidemment le docteur Antekert et ses agents ne le verraient pas davantage. Donc, pensait-elle, il n'y avait pas péril en la demeure. En effet, aucune évasion n'était à craindre tant que le condamné n'aurait pas repris son travail sur les routes de la colonie. Namir se trompait dans ses prévisions. L'entrée de Carpena à l'hôpital du pénitencier allait au contraire favoriser les projets du docteur et très probablement en amener la réussite. Le ferrato prit son mouillage dans la soirée du 22 septembre au fond de cette baie de Gibraltar que battent trop fréquemment les vents d'est et de sud-ouest. Mais le steam yacht n'y devait passer que la journée du 23, c'est-à-dire le samedi. Aussi le docteur et Pierre, après avoir débarqué dans la matinée, se rendirent-ils au post-office de Main Street, où des lettres les attendaient, bureau restant. L'une, adressée au docteur par un de ses agents de Sicile, lui mandait que depuis le départ du ferrato, Sarkani n'avait reparu ni à Catane, ni à Syracuse, ni à Messine. L'autre, adressée à Pierre Bathory par Pointe-Pescade, l'informait qu'il allait infiniment mieux, qu'aucune trace ne lui resterait de sa blessure. Le docteur Antekirt pourrait lui faire reprendre son service dès qu'il le voudrait, en compagnie de Cap Matifou, qui la représentait à tous deux, ses respectueux hommages d'Hercule au repos. La troisième, enfin, adressée à Luigi, venait de Maria. C'était plus que la lettre d'une sœur, c'était la lettre d'une mère. Si 36 heures plus tôt, le docteur et Pierre Bathory se fussent promenés dans les jardins de Gibraltar, ils s'y seraient rencontrés avec Sarkani et Namir. Cette journée fut employée à remplir les soutes du ferrato avec l'aide de gabarres qui vont prendre le charbon aux magasins flottants mouillés en rade. On renouvela également la provision d'eau douce, tant pour les chaudières que pour les caisses et charniers du steam yacht. Tout était donc paré lorsque le docteur et Pierre, qui avaient dîné dans un hôtel de Commercial Square, revinrent à bord au moment où le canon, le First Gunfire, annonçait la fermeture des portes de cette ville aussi disciplinairement tenue qu'un pénitencier de Norfolk ou de Cayenne. Cependant, le ferrato ne leva pas à l'ancre le soir même. Comme il lui fallait 2 heures à peine pour traverser le détroit, il n'appareilla que le lendemain, à 8 heures. Puis, après avoir passé sous le feu des batteries anglaises, qui voulurent bien rectifier leur tir d'exercice pour ne pas l'atteindre en pleine coque, il se dirigea à toute vapeur vers Ceuta. À 9h30, il était au pied du mont Hacho, mais comme la brise soufflait du nord-ouest, la tenue n'eût pas été bonne à la place qu'il occupait 3 jours avant sur la rade. Le capitaine alla donc mouiller de l'autre côté de la ville, dans une petite anse que son orientation met à l'abri des vents d'amont, et le ferrato y laissa tomber l'ancre à 2 encablures du rivage. Un quart d'heure plus tard, le docteur débarquait sur un petit moule. Namir, qui le guettait, n'avait rien perdu des manœuvres du steam yacht. Si le docteur ne put reconnaître la Marocaine dont il n'avait fait qu'entrevoir les traits dans l'ombre du bazar de Cataro, celle-ci qu'il avait souvent rencontrée à Gravosa et à Raguse le reconnut aussitôt. Aussi résolut-elle de se tenir plus que jamais sur ses gardes pendant tout le temps que durerait la relâche à Ceuta. En débarquant, le docteur trouva le gouverneur de la colonie et un de ses aides de camp qui l'attendait sur le quai. « Bonjour, mon cher hôte, et soyez le bienvenu, » s'écria le gouverneur. « Vous êtes homme de parole, et puisque vous m'appartenez pour toute la journée au moins, je ne vous appartiendrai, monsieur le gouverneur, que lorsque vous serez devenu mon hôte. N'oubliez pas que le déjeuner vous attend à bord du ferrato. » Eh bien, s'il attend, docteur Antekirt, il ne serait pas poli de le faire attendre. » La baleinière amena à bord le docteur et ses invités. La table était luxueusement servie, et tous firent honneur au repas préparé dans la salle à manger du Steam Yacht. Pendant le déjeuner, la conversation porta principalement sur l'administration de la colonie, sur les mœurs et coutumes de ses habitants, sur les relations qui s'établissaient entre la population espagnole et les indigènes. Incidemment, le docteur fut amené à parler de ce condamné qu'il avait réveillé d'un sommeil magnétique 2 ou 3 jours auparavant sur la route de la résidence. « Il ne se souvient de rien, sans doute » demanda-t-il. « De rien, » répondit le gouverneur, « mais en ce moment, il n'est plus employé aux travaux d'empierrement. » « Où est-il donc ?» demanda le docteur, avec un certain sentiment d'inquiétude, que Pierre fut seul à remarquer. « Il est à l'hôpital, » répondit le gouverneur. « Il paraît que cette secousse a compromis sa précieuse santé. »« Qu'est-ce que cet homme ?»« Un Espagnol nommé Carpena, un vulgaire meurtrier, peu digne d'intérêt, docteur Antekirt. Et s'il venait à mourir, je vous assure que ce ne serait point une perte pour le préside. » Puis il fut question de toute autre chose. Sans doute il ne convenait pas au docteur de paraître insister sur le cas de ce déporté qui devait être entièrement rétabli après quelques jours d'hôpital. Le déjeuner terminé, le café fut servi sur le pont et les cigares et cigarettes s'évanouirent en fumée sous la tente de l'arrière. Puis le docteur offrit au gouverneur de débarquer sans s'attarder davantage. Il lui appartenait maintenant et il était prêt à visiter l'enclave espagnole dans tous ses services. L'offre fut acceptée, et jusqu'à l'heure du dîner, le gouverneur allait avoir tout le temps de faire à son illustre visiteur les honneurs de la colonie. Le docteur et Pierre Bathory furent donc consciencieusement promenés à travers toute l'enclave, ville et campagne. Il ne leur fut fait grâce d'aucun détail, ni dans le pénitencier, ni dans les casernes. Ce jour-là, c'était un dimanche, les déportés n'étant point occupés à leurs travaux ordinaires, le docteur put les observer en de nouvelles conditions. Quant à Carpena, il ne le vit qu'en passant dans une des salles de l'hôpital et ne parut pas attirer son attention. Le docteur comptait repartir dans la nuit même pour revenir à Antequerta, mais non sans avoir donné la plus grande partie de sa soirée au gouverneur. Aussi, vers les 6 heures, rentra-t-il à la résidence où l'attendait un dîner élégamment servi, qui devait être la réplique à son déjeuner du matin. Il va sans dire que pendant cette promenade intra- et extramuros, le docteur avait été suivi par Namir, ne se doutant guère qu'il fût l'objet d'un si minutieux espionnage. On dîna fort gaiement. Quelques personnes marquantes de la colonie, plusieurs officiers et leurs femmes, 2 ou 3 riches négociants avaient été invités et ne cachèrent point le plaisir qu'ils éprouvaient à voir et à entendre le docteur Antekirt. Le docteur parla volontiers de ses voyages en Orient, à travers la Syrie, en Arabie, dans le nord de l'Afrique. Puis, ramenant la conversation sur ce tas, il ne put que complimenter le gouverneur qui administrait avec tant de mérite l'enclave espagnole. « Mais, ajouta-t-il, la surveillance des condamnés doit souvent vous causer quelques soucis. » « Et pourquoi, mon cher docteur ? Parce qu'ils doivent chercher à s'évader. Or, comme tout prisonnier pense plus à prendre la fuite que ses gardiens ne pensent à l'en empêcher, il s'ensuit que l'avantage est au prisonnier, et je ne serais pas surpris qu'il en manquât quelquefois à l'appel du soir. »« Jamais ? » répondit le gouverneur. « Jamais ? Où iraient-ils ces fugitifs ? Par mer, l'évasion est impossible. Par terre, au milieu de ces populations sauvages du Maroc, elle serait dangereuse. Aussi nos déportés restent-ils au préside, sinon par plaisir, du moins par prudence. Soit, répondit le docteur, et il faut vous en féliciter, monsieur le gouverneur, car il est à craindre que la garde des prisonniers ne devienne de plus en plus difficile à l'avenir. Et pour quelle raison, s'il vous plaît ? Demanda un des convives que cette conversation intéressait d'autant plus particulièrement qu'il était le directeur du pénitencier. Eh, monsieur, répondit le docteur, parce que l'étude des phénomènes magnétiques a fait de grands progrès, parce que ces procédés peuvent être appliqués par tout le monde, enfin parce que les effets de suggestion deviennent de plus en plus fréquents et qu'ils ne tendent à rien de moins qu'à substituer une personnalité à une autre. « Et dans ce cas, demanda le gouverneur, Dans ce cas, je pense que s'il est bon de surveiller les prisonniers, il ne sera pas moins sage de surveiller leurs gardiens. Pendant mes voyages, monsieur le gouverneur, j'ai été témoin de faits si extraordinaires que je crois tout possible dans cet ordre de phénomènes. Ainsi, dans votre intérêt, n'oubliez pas que si un prisonnier peut s'évader inconsciemment sous l'influence d'une volonté étrangère, un gardien soumis à la même influence peut le laisser fuir non moins inconsciemment. Voudriez-vous bien nous expliquer en quoi consiste ce phénomène ? Demanda le directeur du pénitencier. Oui, monsieur, et un exemple vous le fera très aisément comprendre, répondit le docteur. Supposez qu'un gardien ait une disposition naturelle à subir l'influence magnétique ou hypnotique, c'est la même chose. Et admettons qu'un prisonnier exerce sur lui cette influence. Eh bien, dès cet instant, le prisonnier est devenu le maître du gardien. Il lui fera faire ce qu'il voudra. Il le fera aller où il lui plaira. Il l'obligera à lui ouvrir la porte de sa prison quand il lui en suggérera l'idée. Sans doute, répondit le directeur, mais à la condition de l'avoir préalablement endormi. En cela, vous vous trompez, monsieur, reprit le docteur. Tous ces actes pourront s'accomplir même dans l'état de veille, et sans que ce gardien en ait conscience. Quoi ? Vous prétendez ? Je prétends ceci, et je l'affirme. Sous cette influence, un prisonnier peut dire à son gardien « Tel jour, à telle heure, tu feras telle chose. » Et il la fera. « Tel jour, tu m'apporteras les clés de ma cellule. » Et il les apportera. « Tel jour, tu ouvriras la porte du préside. » Et il l'ouvrira. « Tel jour, je passerai devant toi et tu ne me verras pas passer. » « Étant éveillé ?»« Absolument éveillé. » À cette affirmation du docteur, un mouvement d'incrédulité peu dissimulé se fit dans toute l'assistance. « Rien n'est plus certain, cependant, » dit alors Pierre Bathory, « et moi-même j'ai été témoin de pareils faits. » « Ainsi, dit le gouverneur, on peut supprimer la matérialité d'une personne au regard d'une autre ?»« Entièrement, » répondit le docteur, « comment on peut, chez certains sujets, provoquer des altérations d'essence telles qu'ils prendront du sel pour du sucre, du lait pour du vinaigre ou de l'eau ordinaire pour des eaux purgatives dont ils éprouveront les effets ?» Rien n'est impossible en fait d'illusion ou d'hallucination quand le cerveau est soumis à cette influence. Docteur Hantekert, dit alors le gouverneur, je crois répondre au sentiment général de mes invités en vous disant que ces choses-là, il faut les avoir vues pour les croire. Et encore, ajouta une des personnes présentes qui crut devoir faire cette restriction. Il est donc fâcheux, reprit le gouverneur, que le peu de temps que vous avez à nous donner à ce tas ne vous permettent pas de nous convaincre par l'expérience. « Mais je le puis ?» répondit le docteur. « À l'instant ?»« À l'instant, si vous le voulez. »« Comment donc ? Mais vous n'avez qu'à parler. »« Vous n'avez point oublié, monsieur le gouverneur, » reprit le docteur, « qu'un des condamnés du préside a été trouvé sur la route de la résidence il y a 3 jours, dormant d'un sommeil qui, je vous l'ai dit, n'était autre que le sommeil magnétique. » « En effet, dit le directeur du pénitencier, et même cet homme est maintenant à l'hôpital. Vous vous souvenez aussi que c'est moi qui l'ai réveillé, alors qu'aucun des gardiens n'avait pu y réussir. Parfaitement. Eh bien, cela a suffi à créer entre moi et ce déporté... Comment se nomme-t-il ? Carpena. Entre moi et ce Carpena, un lien de suggestion qui le met sous ma domination absolue. Quand il est en votre présence ? Même lorsque nous sommes séparés l'un de l'autre. Vous étant ici, à la résidence, et lui là-bas, à l'hôpital ? Demanda le gouverneur. Oui, et si vous voulez donner l'ordre qu'on le laisse libre, ce Carpena, qu'on ouvre devant lui les portes de l'hôpital et du pénitencier, savez-vous ce qu'il fera ? Eh, il se sauvera, répondit en riant le gouverneur. Et il faut avouer que son rire fut si communicatif que toute l'assistance s'y associa. « Non, messieurs, » reprit très sérieusement le docteur Hantekert, « ce Carpena ne se sauvera que si je veux qu'il se sauve, et ne fera que ce que je voudrais qu'il fasse. Et quoi, s'il vous plaît ? Par exemple, une fois hors de prison, je puis lui ordonner de prendre le chemin de la résidence de monsieur le gouverneur. Et de venir ici ? Ici même, et si je le veux, il insistera pour vous parler. À moi ? À vous ? Ou si vous n'y voyez pas d'inconvénient ? Puisqu'il obéira à toutes mes suggestions, je lui suggérerai la pensée de vous prendre pour un autre personnage. Tenez, pour le roi Alphonse XII. Pour Sa Majesté le roi d'Espagne ? Oui, monsieur le gouverneur. Et il vous demandera... Sa grâce ? Sa grâce. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, la croix d'Isabelle par-dessus le marché. Quelle nouvelle et générale éclat de rire accueillit les dernières paroles du docteur Antekirt. Et cet homme sera éveillé en faisant cela, ajouta le directeur du pénitencier. Aussi éveillé que nous le sommes. Non, non, ce n'est pas croyable, ce n'est pas possible, s'écria le gouverneur. Faites-en l'expérience, ordonnez qu'on laisse à ce Carpena toute liberté d'agir. Pour plus de sûreté, quand il aura quitté le pénitencier, recommandez qu'un ou deux gardiens le suivent de loin. Il fera tout ce que je viens de vous dire. C'est convenu, et quand vous voudrez... Il est bientôt 8 heures, répondit le docteur en consultant sa montre. Eh bien, à 9 heures ? Soit, et après l'expérience. Après l'expérience, Carpena rentrera tranquillement à l'hôpital, sans même conserver le plus léger souvenir de ce qui se sera passé. Je vous le répète, et c'est la seule explication que l'on puisse donner de ce phénomène, Carpena sera sous une influence suggestive venant de ma part, et en réalité ce ne sera pas lui qui fera toutes ces choses, ce sera moi. Le gouverneur, dont l'incrédulité à propos de ces phénomènes était manifeste, écrivit un billet qui prescrivait au gardien-chef du préside de laisser au condamné Carpena toute liberté d'agir en se contentant de le faire suivre à distance. Puis ce billet fut immédiatement porté au pénitencier par un des cavaliers de la résidence. Le dîner étant terminé, les convives se levèrent et sur l'invitation du gouverneur passèrent dans le grand salon. Naturellement, la conversation continua sur les divers phénomènes du magnétisme ou de l'hypnotisme qui donnent lieu à tant de controverses, qui comptent tant de croyants et tant d'incrédules. Le docteur Antekirt, pendant que les tasses de café circulaient au milieu de la fumée des cigares et des cigarettes que les Espagnols elles-mêmes ne dédaignent pas, raconta 20 faits dont il avait été le témoin ou l'auteur pendant l'exercice de sa profession, tous probants, tous indiscutables, mais qui ne parurent convaincre personne. Il ajouta aussi que cette faculté de suggestion devrait très sérieusement préoccuper les législateurs, les criminalistes et les magistrats, car elle pouvait être exercée dans un but criminel. Incontestablement, grâce à ces phénomènes, il se produirait des cas où bien des crimes pourraient être commis dont il serait presque impossible de découvrir les auteurs. Tout à coup, à 9h27, le docteur, s'interrompant, dit « Carpena quitte en ce moment l'hôpital. » Et une minute après, il ajouta « Il vient de passer la porte du pénitencier. » Le ton avec lequel ces paroles furent prononcées ne laissa pas d'impressionner singulièrement les invités de la résidence. Seul le gouverneur continuait à hocher la tête. Puis la conversation reprit, pour et contre, tous parlant un peu à la fois, jusqu'au moment, il était 9h05, où le docteur l'interrompit une dernière fois en disant « Carpena est à la porte de la résidence. » Presque aussitôt, un domestique entrait dans le salon et prévenait le gouverneur qu'un individu, vêtu du costume des déportés, demandait avec insistance à lui parler. « Laissez-le entrer, » répondit le gouverneur, dont l'incrédulité commençait à faiblir devant l'évidence des faits. Comme 9 heures sonnait, Carpena se montra à la porte du salon. Sans paraître voir aucune des personnes présentes, bien qu'il eût les yeux parfaitement ouverts, il se dirigea vers le gouverneur et s'agenouillant devant lui. « Sire, dit-il, je vous demande grâce. » Le gouverneur, absolument interloqué, comme s'il eût été lui-même sous l'empire d'une hallucination, ne sut d'abord que répondre. « Vous pouvez lui accorder sa grâce, dit le docteur en souriant. Il ne conservera aucun souvenir de tout ceci. » « Je te l'accorde, répondit le gouverneur, avec la dignité du roi de toutes les Espagnes. « Et à cette grâce, sire, reprit Carpena, toujours courbé, si vous voulez joindre la croix d'Isabelle. « Je te la donne. » Carpena fit alors le geste de prendre un objet que lui aurait présenté le gouverneur. Il attacha à sa veste une croix imaginaire. Puis il se releva et sortit à reculons. Cette fois, tous les assistants subjugués le suivirent jusqu'à la porte de la résidence. « Je veux l'accompagner. Je veux le voir rentrer à l'hôpital, » s'écria le gouverneur, qui luttait contre lui-même, comme s'il eût refusé de se rendre à l'évidence. « Venez donc, » répondit le docteur. et le gouverneur, Pierre Bathory, le docteur Antekert, accompagné de quelques autres personnes, prirent le même chemin que Carpena, qui se dirigeait déjà vers la ville. Namir, après l'avoir épié depuis sa sortie du pénitencier, se glissant dans l'ombre, ne cessait de l'observer. La nuit était assez obscure. L'Espagnol marchait sur la route d'un pas régulier, sans hésitation. Le gouverneur et les personnes de sa suite se tenaient à 30 pas en arrière de lui, avec les deux agents du préside qui avaient ordre de ne pas le perdre de vue. La route, en se rapprochant de la ville, contourne l'anse que forme le second port de ce côté du rocher de Ceuta. Sur l'eau, immobile et noire, tremblotait la réverbération de 2 ou 3 feux. C'étaient les hublots et le fanal du ferrato, dont les formes se dessinaient vaguement, très agrandies par l'obscurité. Arrivé en cet endroit, Carpena quitta la route et se dirigea sur la droite, vers un entassement de roches qui domine la mer d'une 12 pieds. Sans doute un geste du docteur qui n'avait été vu de personne, peut-être même une simple suggestion mentale de sa volonté, avait obligé l'Espagnol à modifier ainsi sa direction. Les agents manifestèrent alors l'intention de presser le pas afin de rejoindre Carpena pour lui faire reprendre le droit chemin. Mais le gouverneur, sachant qu'aucune évasion n'était possible de ce côté, leur ordonna de le laisser libre. Cependant, Carpena s'était arrêté sur l'une des roches comme s'il eût été immobilisé en cet endroit par quelque irrésistible puissance. Il eût voulu lever les pieds, mouvoir les jambes, qu'il ne l'aurait pu. La volonté du docteur, qui était en lui, le clouait au sol. Le gouverneur l'observa pendant quelques instants, puis, s'adressant à son hôte, « Allons, mon cher docteur, qu'on le veuille ou non, il faut bien se rendre à l'évidence. Vous êtes convaincu maintenant ? Bien convaincu, monsieur le gouverneur ? Oui, bien convaincu qu'il est des choses auxquelles il faut croire comme une brute. À présent, docteur Antekert, suggérez à cet homme la pensée de rentrer immédiatement au préside. Alphonse XII vous l'ordonne. » Le gouverneur avait à peine achevé sa phrase que Carpena, instantanément, sans même pousser un cri, se précipitait dans les eaux du port. Était-ce un accident ? Était-ce un acte volontaire de sa part ? Venait-il donc, par quelque circonstance fortuite, d'échapper à la puissance du docteur ? Nul n'aurait pu le dire. Aussitôt tous de courir vers les roches, pendant que les agents descendaient au niveau d'une petite grève qui longe la mer en cet endroit. Il n'y avait plus aucune trace de Carpena. Quelques embarcations de pêcheurs arrivèrent en toute hâte, ainsi que celles du steam yacht. Ce fut inutile. On ne retrouva même pas le cadavre du déporté, que le courant avait dû emporter au large. « Monsieur le gouverneur, dit le docteur Antekert, je regrette vivement que notre expérience ait eu ce dénouement tragique auquel il était impossible de s'attendre. « Mais comment expliquez-vous ce qui vient d'arriver ? » demanda le gouverneur. « Par la raison que dans l'exercice de cette puissance suggestive dont vous ne pouvez plus nier les effets, répondit le docteur, il y a encore des intermittences. Cet homme m'a échappé un instant, ce n'est pas douteux. Et soit qu'il ait été pris de vertige, soit pour toute autre cause, il est tombé du haut de ces roches. C'est fort regrettable, car nous avons perdu là un sujet vraiment précieux. » « Nous avons perdu un coquin, rien de plus, » répondit philosophiquement le gouverneur. Et ce fut toute l'oraison funèbre de Carpena. En ce moment, le docteur et Pierre Bathory prirent congé du gouverneur. Ils devaient repartir avant le jour pour Antequerta et ils s'empressèrent de remercier leur hôte du bon accueil qui leur avait été fait dans la colonie espagnole. Le gouverneur serra la main du docteur et lui souhaita une heureuse traversée après lui avoir fait promettre de venir le revoir, et il reprit le chemin de la résidence. Peut-être pourra-t-on trouver que le docteur Antekert venait d'abuser quelque peu de la bonne foi du gouverneur de Ceuta. Que l'on juge, que l'on critique sa conduite en cette occasion, soit. Mais il ne faut pas oublier à quelle œuvre le comte Mathias Sandorf avait consacré sa vie, ni ce qu'il avait dit un jour. 1000 chemins, 1 but. C'était un de ces 1000 chemins qu'il venait de prendre. Quelques instants après, une désembarcation du ferrato avait ramené à bord le docteur et Pierre Bathory. Luigi les attendait à la coupée pour les recevoir. « Et cet homme ?» demanda le docteur. « Suivant vos ordres, répondit Luigi, notre canot qui le guettait au pied des roches l'a recueilli après sa chute et je l'ai fait enfermer dans une cabine de l'avant. Il n'a rien dit ? Demanda Pierre. Comment aurait-il pu parler ? Il est comme endormi et n'a pas conscience de ses actes. Bien, répondit le docteur, j'ai voulu que Carpena tombât du haut de ses roches, et il est tombé. J'ai voulu qu'il dormît, et il dort. Quand je voudrai qu'il se réveille, il se réveillera. Maintenant, Luigi, fais lever l'ancre et en route. La chaudière était en pression, l'appareillage se fit rapidement, et quelques minutes après, le ferrato, après avoir gagné la pleine mer, mettait le cap sur Antequerta.